الاعلان عن الفائل غير سؤال مضيات في هجوم فمخلص عرفتان بطنورين تبقوا كفوتا مترين Ambassade d'Israël, à qui désirez-vous parler ? À l'ambassadeur d'Israël. Je veux qu'on surveille ses moindres faits et gestes. Je détiens des informations qui intéresseront vos services. Ashraf Marwan. On dit parfois de lui qu'il a été le plus grand espion du XXe siècle. En tout cas, il en est certainement le plus énigmatique. Dans les années 1960-1970, cet Égyptien fournissait des renseignements au service secret d'Israël, alors le pire ennemi de son pays. En octobre 1973 notamment, la veille du jour où se déclencha la guerre du Kippour, c'est Ashraf Marwan qui, secrètement, a averti Israël de l'imminence d'une attaque surprise par l'Égypte et la Syrie. La guerre du Kippour, une guerre éclair, très meurtrière, qui va modifier durablement le rapport de force au Moyen-Orient et qui a bien failli remettre en cause l'existence même de l'État hébreu. Le plus extraordinaire, c'est qu'Ashraf Marwan, un intime des cercles du pouvoir au Caire, était le propre gendre du président Gamal Abdel Nasser, le père de la révolution égyptienne et du panarabisme. Surnommé l'Ange. Maintenant, on vous appellera l'Ange. Ça me plaît. L'espion Ashraf Marwan, dont la vie fascinante inspira de nombreux essais, romans et films, fut pendant des années la meilleure source de renseignements du Mossad, les services secrets israéliens. De l'aveu même d'un de ses officiers. C'était le meilleur. De l'or en barre, disait-on au Mossad à propos de l'Ange, cette taupe hors du commun dont très peu dans le service connaissaient la véritable identité. Quand j'étais dans l'armée, on savait qu'il existait un super espion qui travaillait avec les services secrets israéliens. Mais la censure militaire a fait en sorte que rien ne sorte. C'était un véritable secret. Mais 38 ans plus tard, contrairement à la règle qui veut qu'on taise les noms des espions, le sien sera dévoilé au grand jour en Israël. Une révélation qui portera Ashraf Marwan au rang de héros en Israël, ce qu'il est toujours aujourd'hui. Mais Marwan, lui, se serait bien passé de cette publicité qui, sans doute, lui sera fatale. Là où l'affaire se complique, c'est qu'en Égypte également, le même Ashraf Marwan est célébré en héros. À tel point qu'à sa mort, il aura droit au Caire à des funérailles quasi nationales. Et quand un journaliste anglais demande à son fils, Gamal Marwan, si son père était un agent israélien... C'était un patriote. Aujourd'hui encore, le mystère reste entier sur la nature réelle de l'engagement d'Ashraf Marwan. Un mystère que les circonstances de sa mort n'ont fait qu'épaissir davantage. Le 27 juin 2007, dans une résidence chic du centre de Londres, le corps sans vie d'Ashraf Marwan est découvert au pied de son immeuble. L'Égyptien de 63 ans, qui vit en Angleterre depuis de longues années, vient de tomber du balcon de son appartement situé au 5e étage. Accident, suicide, meurtre. L'enquête de police, menée alors par Scotland Yard, classera rapidement l'affaire. Trop rapidement aux yeux de certains, notamment de Mona, l'épouse du défunt, persuadée qu'il a été assassiné. J'en suis sûre à 100%, même plus que 100%. Alors, qui était vraiment Ashraf Marwan ? Un espion sincère en faveur d'Israël et redoutant une nouvelle guerre au Moyen-Orient ? Un agent double travaillant en réalité pour sa patrie, l'Égypte, comme on l'affirme au Caire ? Ou encore, un aventurier sans scrupules, motivé avant tout par l'argent, son goût du luxe et des femmes ? Né en 1944, Ashraf Marwan grandit dans un quartier bourgeois du Caire, la capitale de l'Égypte, sur les rives du Nil. Son père est un militaire qui accédera au rang de général dans la garde présidentielle. Le jeune homme, de toute évidence, est promis à un bel avenir. D'une famille aisée et proche du pouvoir, cet excellent élève obtient en 1965, à l'âge de 21 ans, avec mention très bien, son diplôme de chimie à l'université du Caire. Élégant, mince, sportif, au visage en apparence doux et sage, Ashraf ne manque pas de charme. Un jour de 1965, alors qu'il joue au tennis dans un club chic d'Héliopolis, dans les faubourgs du Caire, il fait une rencontre qui sera décisive dans sa vie. Fruit du hasard ou prémédité, on ne le sait pas. Ashraf fait la connaissance d'une jolie brune de 17 ans, au regard rieur, qui tombe immédiatement amoureuse de lui. Elle s'appelle Mona, et n'est pas n'importe qui. Mona est une des filles de Gamal Abdel Nasser, le président de la République d'Égypte, l'homme fort qui, en 1952, après un coup d'État militaire, avait renversé la monarchie et proclamé l'indépendance du pays. Celui aussi qui, en 1956, avait annoncé fièrement la nationalisation du canal de Suez devant une foule en délire. C'est une attitude arrogante envers les autres peuples. Aujourd'hui, nous allons nous débarrasser de ce qui est arrivé par le passé. Le canal de Suez va être nationalisé. La compagnie change de direction. La nationalisation du canal de Suez avait provoqué une intervention militaire de la France, de la Grande-Bretagne et d'Israël. Mais finalement, sous la pression des États-Unis et de l'URSS, Nasser était sorti renforcé de la crise de Suez comme défenseur du monde arabe et des pays non alignés. En 1965, lorsque la jeune Mona annonce à son père son ardent désir d'épouser Ashraf Marwan, Nasser ne cache pas sa réticence. Pour lui, Ashraf n'est qu'un arriviste. Mais Mona insiste, et Nasser, qui adore sa fille, finit par céder. Ashraf et Mona se marient en 1966. 2 ans plus tard, après avoir terminé son service militaire, Ashraf obtient de son beau-père l'autorisation de partir à Londres pour y poursuivre ses études de chimie. Seul, nous sommes en 1968. On imagine le choc du jeune Égyptien en débarquant à Londres en pleine swinging 60s. La grande époque des Beatles, des Rolling Stones et des mini-jupes de Mary Quant. Comment résister ? Loin de l'Égypte, de son beau-père envahissant et loin aussi de sa jeune épouse, Ashraf se lâche et se jette dans les délices de la vie londonienne. Mais le jeune homme qui aime la fête, le jeu et le luxe se retrouve vite à court d'argent. Qu'à cela ne tienne, il trouve une solution dans les bras et surtout dans le compte en banque de l'épouse d'un riche Koweïtien vivant à Londres. Mais Ashraf l'ignore, il est surveillé par les services secrets égyptiens. Informé des frasques de son gendre, Nasser, furieux, le rappelle au Caire et demande à sa fille de divorcer. Mais le couple refuse. Nasser, alors, exige que son gendre rembourse sa maîtresse koweïtienne, qu'il ne mette plus les pieds à Londres. Et pour achever la punition, Nasser colle Ashraf dans un boulot subalterne de la présidence. Passer de la vie trépidante anglaise à un bureau poussiéreux au Caire, avec en prime le contrôle permanent de beau-papa, est certainement vécu par Ashraf Marwan comme une humiliation. Pour certains historiens d'ailleurs, c'est l'amertume du jeune Égyptien qui expliquera sa décision bientôt de proposer ses services à Israël. Entre-temps, les pays arabes ont été ébranlés par un conflit majeur, la guerre des Six Jours en 1967. Juin à l'aube, les avions israéliens foncent sur les objectifs militaires d'Égypte, de Syrie et de Jordanie. Agression caractérisée, disent les Arabes, riposte préventive, rétorquent les Israéliens. En 3 heures, l'aviation arabe sera anéantie. L'extrême mobilité des forces israéliennes et l'effet de surprise ont été décisifs. En moins d'une semaine, Israël a triplé la dimension de son territoire. Tandis que l'Égypte perd la bande de Gaza et le Sinaï, la Syrie perd le Golan et Jérusalem passe sous contrôle israélien. Une victoire écrasante pour l'État hébreu, désormais persuadé de son invincibilité. Les Égyptiens, et a fortiori le premier d'entre eux, n'ont qu'une idée. Se venger d'Israël et récupérer les territoires perdus. C'est dans ce contexte qu'Ashraf Marwan, qui se morfond dans son emploi de bureau, va commettre l'impensable. Au printemps 1969, il obtient de son beau-père l'autorisation de retourner en Angleterre pour y clôturer ses études. Avant de partir, il prend soin à la présidence de voler des documents hautement secrets qu'il glisse dans sa valise. À peine arrive-t-il à Londres que le gendre de Nasser entre dans une cabine téléphonique et compose le numéro de l'ambassade d'Israël. Ambassade d'Israël. Je m'appelle Ashraf Marwan. Que puis-je pour vous, monsieur Marwan? Je détiens des informations qui intéresseront vos services. Seulement, il est impératif que je parle à l'ambassadeur. Deux fois, on lui raccroche au nez. Ashraf Marwan insiste. À l'ambassade, le service de sécurité commence à être intrigué. J'étais à la tête du Mossad en Europe. Quelqu'un a appelé, et au moment où j'ai entendu son nom, ça a fait tilt. Un miracle que quelqu'un comme lui vienne à nous. L'ambassade finit par lui proposer un rendez-vous. Demain matin, à 10h précise, vous serez dans le hall de l'hôtel Balmoral, qui se trouve à deux pas de l'ambassade, monsieur Marwan. Dans le hall de l'hôtel Balmoral, à l'heure convenue, un homme attend à une table en lisant le journal. En réalité, il a sous les yeux une photo du mariage d'Ashraf Marwan et guette son arrivée. Un jeune homme mince et élégant entre dans le hall. Il le reconnaît, c'est lui. L'homme assis, un agent de sécurité israélien, fait signe à un de ses collègues à l'extérieur qu'il s'agit de la bonne personne. Le collègue entre à son tour dans l'hôtel et s'approche du jeune Égyptien. Monsieur Marwan ? Oui. Ravi de vous rencontrer. Je suis Moshe. Les deux hommes s'assoient. Ashraf expose à Moshe, de son vrai nom Doubi, les renseignements qu'il est en mesure de fournir au Mossad. Il glisse même une enveloppe sur la table. Voici un échantillon de ce que je peux vous offrir. Combien voulez-vous ? Je ne demande rien pour l'instant. Mais j'attends d'être rémunéré à notre prochain rendez-vous. Votre tarif ? 100 000 $. En toute logique, l'agent du Mossad demande à Ashraf les raisons de son geste. Il lui répond que son beau-père l'a humilié, aussi que la guerre des six jours lui a ouvert les yeux, qu'il veut être du côté du vainqueur, qu'il n'aime pas les soviétiques qui soutiennent l'Égypte de Nasser. Difficile de savoir si le jeune Égyptien est sincère. Après tout, Marwan travaille peut-être en réalité pour son pays. Ce que j'espère, c'est que ce que peut contenir cette enveloppe nous donnera envie de vous revoir. Vous comprenez ce que je veux dire, Ashraf ? Après le départ d'Ashraf Marwan, les agents du Mossad seront sidérés en ouvrant l'enveloppe. Ce sont des informations de premier ordre. Je vous l'accorde. Seulement, il y a quelque chose qui ne me revient pas chez lui. Pourtant, les renseignements qu'il a fournis sont solides. Et c'est tout ce qui nous importe. Écoutez-moi, Hatsby. Je sens tout de suite quand on me ment. Et Ashraf Marwan nous a pas menti. Le Mossad multipliera les procédures pour s'assurer que Marwan n'est pas un agent double. Le filer dans les rues de Londres ou de Paris, le soumettre au détecteur de mensonges. Mais rien ne vient ébranler leur confiance. À chaque fois, il s'est avéré qu'il disait la vérité. Régulièrement, pendant plusieurs années, Lange et Moshe, son officier traitant, se donnent rendez-vous dans des hôtels londoniens. Par sécurité, Moshe se rend en Angleterre sous une fausse identité. Même les étiquettes de ses vêtements sont découpées pour ne rien laisser paraître de sa nationalité. Arrivé à Londres, Moshe, afin de semer un éventuel suiveur, marche pendant des heures dans la ville, entre dans des magasins, en ressort, emprunte des bus, des taxis, avant de se rendre enfin au lieu du rendez-vous. À la main, Moshe porte une valise, qu'il ouvre à la fin du rendez-vous. La valise est pleine de billets de banque, les 100 000 $ que Lange réclame en échange de ses renseignements. Une somme énorme. Jamais le Mossad n'a payé aussi cher un agent. Voilà de quoi vous payer une jolie garçonnière à Tel Aviv, lance un jour Moshe au Playboy égyptien. Mais le prix en vaut la chandelle. De 1969 à 1973, en effet, Marwan fournira au Mossad des renseignements d'une valeur inestimable. Début 1970, par exemple, Marwan fournit au Mossad un document exceptionnel. La transcription complète de discussions tenues à Moscou dans lesquelles le président Nasser réclame aux Soviétiques la livraison de bombardiers capables d'atteindre l'intérieur du territoire israélien. Jamais le Mossad n'a eu accès à de tels documents. Il était le meilleur, une mine d'informations, comme si nous avions quelqu'un dans le lit du dirigeant. Il était marié à la fille de Nasser, et Nasser était tout puissant, comme un dieu pour les Arabes, une idole. Mais à l'automne 1970, un événement inattendu vient compromettre cette fructueuse collaboration. France Inter, 28 septembre 1970. Consternation dans le monde entier. Le président Nasser est mort hier en fin d'après-midi d'une crise cardiaque au Caire. Avec la disparition du leader arabe, la porte semble maintenant ouverte à l'aventure au Proche-Orient. Et bien avant que la nouvelle soit connue, on pouvait deviner en écoutant la radio du Caire que quelque chose de grave s'était passé. Aussitôt en Égypte et dans les autres États arabes, le deuil national était proclamé et dans toutes les capitales, les gens sortaient dans la rue pour manifester le deuil qui frappait le monde arabe. Maintenant, qui va succéder à Nasser, l'homme fort du monde arabe? Contre toute attente, c'est le vice-président, un certain Anwar el-Sadat, un homme qu'on dit médiocre, sans envergure. C'est lui pourtant qui, en 1977, sera le premier dirigeant arabe à se rendre en Israël pour rechercher un accord de paix. Mais pour l'instant, rien ne laisse présager un tel virage. Anwar el-Sadat ne le cache pas, sa priorité, comme pour Nasser, est de reprendre le Sinaï par les armes. Mais quand vont-ils attaquer? Pour Israël, obtenir des renseignements sur l'ennemi reste donc vital. Mais maintenant que Nasser est mort, son neveu est-il toujours de quelque utilité? Contre toute attente, Ashraf Marwan gagne rapidement la confiance de Sadat et devient un de ses plus proches conseillers aux affaires étrangères et à la défense. Le président lui confie même des missions diplomatiques, une position idéale pour collecter des informations stratégiques. Marwan est donc plus que jamais essentiel au Mossad. Pendant 2 ans, Anwar el-Sadat multiplie les déclarations va-t-en-guerre fracassantes contre Israël, comme en novembre 71. France Inter, Yves Mourouzi. Je vous le disais, le président égyptien Sadat a lancé hier un véritable appel à la guerre. L'heure du combat a sonné, a-t-il déclaré à ses soldats qui sont massés le long du canal de Suez, Paul Amar. La drôle de paix qui s'est installée depuis la victoire israélienne de 67 ne satisfait plus le président Sadat. Plus question d'accepter ce genre de situation, il faut agir. Agir par les armes. Pour le successeur de Nasser, il n'y a plus aucun espoir d'aboutir à une solution pacifique de la crise. Il a donc demandé aux soldats de se préparer au combat. Entraînez-vous en attendant de traverser le canal, leur a-t-il dit, et sûr de lui, il leur a promis, la traversée sera à sens unique. Mais rien ne se passe. Coup de bluff ou de démagogie envers les populations arabes? Plus inquiétant, le 24 octobre 72, le président égyptien réunit le Conseil suprême des forces armées et ordonne de préparer l'offensive pour la fin de l'année. Marwan en informe immédiatement le Mossad. En Israël, la première ministre Golda Meir et Moshe Dayan, le ministre de la Défense, prennent très au sérieux l'alerte. Mais la fin de l'année arrive et encore une fois, rien ne se passe. Au printemps 73, nouvelle alerte. Ashraf Marwan informe le Mossad qu'une offensive conjointe de l'Égypte et de la Syrie est prévue pour le 15 mai. Les Israéliens mettent sur pied en urgence un plan de riposte militaire d'un coût de près de 35 millions de dollars. Des milliers d'hommes sont rappelés sous les drapeaux. Le 15 mai arrive et, encore une fois, rien ne se passe. Comment comprendre ces deux fausses alertes? Au sein même du renseignement israélien, les avis divergent. Pour le Mossad, qui a toute confiance en son agent, la menace était bien réelle. Nous étions conscients d'un risque d'attaque sur Israël. En revanche, les renseignements militaires dirigés par le général Zeira sont persuadés que le Mossad, le service de renseignement rival, s'est laissé intoxiquer par l'ange et que l'Égypte, de toute façon, n'a pas du tout les moyens militaires d'une offensive. L'objectif de l'Égypte est de créer une psychose de guerre. Après ces deux fausses alertes, des doutes commencent à se porter sur l'agent mystérieux du Mossad. L'ange providentiel, ami inconditionnel d'Israël, qui, ne l'oublions pas, a déjà depuis 1969 empoché des centaines de milliers de dollars, ne serait-il pas en réalité un agent double ? En 1973 toujours, une crise qui aurait pu avoir de très graves conséquences va opportunément redorer l'image de Marwan auprès des Israéliens. 21 février 1973, Dominique Bromberger au micro de France Inter. L'aviation israélienne a abattu un Boeing libyen égaré au-dessus du Sinaï. 70 passagers ont été tués, l'équipage de 8 personnes était français. Le gouvernement israélien présente ses excuses, mais Muammar Kadhafi, le président libyen, fou de rage, n'a de cesse de venger la mort de ses 108 compatriotes. En septembre de la même année, en guise de représailles, une opération libyenne est montée conjointement avec l'Égypte. Il s'agit d'abattre au moment du décollage un avion de ligne israélien à l'aéroport de Rome, dont la sécurité alors est réputée très relâchée. Le commando a loué un appartement à proximité des pistes. C'est de là qu'ils doivent abattre l'avion israélien avec des missiles et des lance-missiles qu'un agent égyptien a fait entrer en Italie par la valise diplomatique. Ce que le commando arabe ignore, c'est que cet agent égyptien, Ashraf Marwan bien sûr, a alerté le Mossad qui immédiatement a averti les autorités italiennes. Si bien que dans la nuit du 5 au 6 septembre 1973, la police surgit dans l'appartement et arrête le commando. Grâce à Ashraf Marwan, l'attentat anti-israélien est donc déjoué in extremis. Le Mossad peut encore une fois remercier son agent. Bien des années plus tard, bien après la mort d'Ashraf Marwan, quand on soupçonnera ce mystérieux espion d'avoir été un agent double, on se demandera s'il n'avait pas fait échouer cet attentat à Rome avec la bénédiction du Caire. Histoire pour les services secrets égyptiens de fortifier l'image de Marwan auprès du Mossad afin de mieux le tromper. Mais revenons à l'automne 1973. Arrive le jour où Ashraf Marwan, alias l'Ange, va atteindre le sommet de sa carrière d'espion. Le 4 octobre, il appelle en urgence Moshe, son officier traitant. En langage codé, il l'informe que l'offensive égypto-syrienne est imminente et, ce qu'il n'a jamais fait jusqu'à présent, il demande à rencontrer à Londres Zvi Zamir, le directeur du Mossad. Moshe envoie immédiatement un télégramme à Tel Aviv. Prenant au sérieux cette troisième alerte, Zamir se précipite à l'aéroport et prend le premier avion pour Londres. Les deux hommes ont rendez-vous dans une chambre d'hôtel. Sadat a l'intention d'entrer en guerre demain, en profitant du soutien des Syriens. De qui tenez-vous ces informations ? Du général Chazli, et de Sadat lui-même. Et ce serait pour quand ? Jusqu'à hier soir, j'ignorais que c'était prévu pour demain. Il me faut une heure précise, Ashraf. Ils vont attaquer demain soir à 18h. Afin de profiter que les soldats israéliens auront le soleil dans les yeux. Il ne nous reste que 18 heures. Je vous conseille de faire vite. La guerre est toute proche, général. Vous nous avez déjà annoncé à deux reprises que la guerre était imminente. Et vous avez eu tort à chaque fois. Alors j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi je devrais vous croire aujourd'hui. Parce que dans le cas contraire, il y aura beaucoup trop d'innocents qui vont être sacrifiés dans les deux camps. Voilà pourquoi. un extrait du film « L'ange du Mossad ». Peu probable que le vrai Marwan ait tenu un tel discours pacifiste. Aussitôt, Zvi Zamir décroche le téléphone et alerte le Mossad à Tel Aviv, dans un langage codé pour le moins limpide. La compagnie va enfin signer le contrat ce soir. Ils savent que demain, c'est la fête religieuse et pensent atterrir avant la tombée de la nuit. Selon l'ange, les chances sont de 99,9%. Si l'alerte est vraie, l'Égypte et la Syrie, avec des armes fournies par l'URSS, auraient donc décidé d'attaquer en plein Yom Kippour, cette fête juive de jeûne où tout le pays est à l'arrêt et, les ennemis d'Israël le savent, la plupart des soldats sont en permission. Si Zvi Zamir et le Mossad sont convaincus que la menace est réelle, en revanche, les renseignements militaires dirigés par le général Zeira, persuadés qu'il s'agit d'une nouvelle fausse alerte, vont mettre du temps à réagir. Le matin du 6 octobre 1973, c'est donc avec beaucoup de retard qu'Israël décrète la mobilisation. De Jérusalem, André Semama. La situation est très grave. Des autobus de ramassage de mobilisés parcourent les rues des grandes villes où les attendent des hommes qui ont à peine eu le temps de ranger le châle de prière qu'ils portaient à la synagogue quelques minutes auparavant. Chose exceptionnelle également cette journée de Kippour, des avions militaires ont survolé les villes. Après celle de la mobilisation, les Israéliens ont une nouvelle surprise à 13h55. Vous écoutez la radio militaire de l'armée de défense d'Israël. Le porte-parole de l'armée a annoncé aujourd'hui autour de 14h que les forces syriennes et égyptiennes ont attaqué le Sinaï et les hauteurs du Golan. Tsahal agit contre les agresseurs. Nos reporters nous ont informé que suite aux attaques syriennes dans le Golan, des sirènes ont retenti dans tout le pays. L'attaque égypto-syrienne que l'ange avait annoncée pour 18h vient de débuter avec 4 heures d'avance. Est-ce que Marwan n'a pas été informé de ce changement d'horaire? Ou bien était-il chargé par l'Égypte de tromper Israël? Après un pilonnage de l'artillerie, 8000 fantassins de l'armée égyptienne franchissent le canal de Suez. Au même moment au nord, 3 divisions d'infanterie syrienne et 1 millier de chars pénètrent sur le plateau du Golan. Dans les premières 48 heures de combat, les Égyptiens et les Syriens avancent sans rencontrer de réelle résistance, tandis que Tsahal, l'armée israélienne, perd 49 avions de chasse et 500 tanks. Ce n'est que le troisième jour qu'elle réussit à lancer une contre-offensive et à reprendre l'avantage. La guerre du Kippour se termine le 25 octobre 1973 par un cessez-le-feu et la promesse de négociations en vue d'une paix au Moyen-Orient. Mais le bilan humain dans chaque camp est très lourd. Et pour la première fois, l'État hébreu s'est vu menacé dans son existence même. En Israël, où l'on a frôlé la catastrophe, le gouvernement doit rendre des comptes. Comment expliquer que Golda Meir, la première ministre, et Moshe Dayan, le ministre de la Défense, n'aient pas anticipé l'attaque égypto-syrienne et qu'ils aient sous-estimé les capacités militaires de leurs ennemis? En interne, les services secrets eux aussi sont sur le grill. Pourquoi n'ont-ils pas pris au sérieux le message de l'ange et donné l'alerte plus tôt? Des années plus tard, Golda Meir, qui entre-temps aura démissionné, sera interviewée sur le déclenchement de cette guerre. La tragédie de la guerre du Kippour a une cause. Nos renseignements militaires ont mal évalué les informations qu'ils avaient. In the right way. And when for a few days before the war, everybody. Quelques jours avant la guerre, tout le monde, le ministre de la Défense, le chef d'état-major, le directeur des services secrets, tous ont crié bien haut qu'il n'y avait aucune menace. All said that they don't think this means war. There was one good reason why not. Mais ils avaient un argument massu 6 mois auparavant, en mai, On nous avait déjà fait croire à la guerre. Nous avions mobilisé et il n'y a pas eu de guerre. Vous savez, la mobilisation en Israël, c'est un événement terrible. Toute la vie du pays est perturbée. En mai, nous avions mobilisé et rien ne s'était passé. On pouvait avoir toutes les raisons de croire qu'il en serait de même cette fois-ci. Après la guerre du Kippour, que va devenir l'ange? Pendant une dizaine d'années, il continue de travailler de manière épisodique pour le Mossad. Mais les enjeux ont changé, puisqu'en 1978, la paix entre l'Égypte et Israël est signée à Camp David. En 1979, Ashraf Marwan change de vie. Il part vivre à Londres et se lance dans la finance. Spécialisé dans le rachat d'entreprises en difficulté, mais aussi dans la vente d'armes, ce businessman de la City, qui a pris des parts dans le club de foot de Chelsea, devient multimillionnaire. Tout semble aller bien pour l'ancien espion. Mais dans les années 1990, à sa grande surprise, Ashraf Marwan est rattrapé par son passé. En Israël, après des fuites dans les médias, on se met à parler de l'ange, le fameux espion dont on ignore l'identité, qui avait averti le pays du déclenchement de la guerre du Kippour. Une polémique se déclenche, alimentée par le général Zeira, celui, souvenez-vous, qui en 1973, à la tête des renseignements militaires, n'avait pas cru aux alertes lancées par l'ange. Pour justifier le retard qu'il avait pris à réagir à la troisième alerte, Zeira, en 1993, affirme que l'ange était un agent double et qu'il a sciemment trompé Israël. Bientôt, c'est le nom même d'Ashraf Marwan qui est divulgué. Cette révélation, qui va à l'encontre de la règle absolue du secret des sources, est une catastrophe pour Marwan, qui vit désormais dans la peur. Zvi Zamir, celui qui en 1973 dirigeait le Mossad, accuse Zeira d'avoir violé un secret militaire. L'affaire est portée devant un tribunal et le verdict tombe le 26 juin 2007. Un verdict visible partout sur Internet où l'on peut lire que c'est bien Ashraf Marwan qui a averti le Mossad à la veille de la guerre. Désormais, le monde entier sait ou peut savoir. Nous sommes donc la veille du 27 juin 2007, comme par hasard, le jour où à Londres, au 24 Carlton House Terrace, Ashraf Marwan est retrouvé mort au pied de son immeuble après une chute du cinquième étage. La police écarte vite les thèses de l'accident et du suicide, mais ne trouvera aucune preuve d'un assassinat. Au bout de 3 ans d'enquête, l'affaire sera classée. Pourtant, des témoins affirment avoir vu 2 hommes à l'allure, je cite, « moyenne-orientale » contempler depuis le balcon le corps de Marwan gisant au sol avant de s'éclipser. Ces hommes ne seront jamais retrouvés. En Israël, 2 thèses continuent de s'opposer. D'un côté, ceux qui, comme Zvi Zamir, affirment que l'ange était un parfait espion pro-israélien, un héros donc. De l'autre, ceux qui, comme Zeira, sont certains qu'il était un agent double. Mais alors, qui aurait eu intérêt à tuer Ashraf Marwan? Dans le documentaire américain « The Perfect Spy », quand on demande à un officier du Mossad si les Israéliens sont responsables de la mort de Marwan, il répond sans hésiter « Jamais. Ce n'est pas possible. Pourquoi l'aurait-il tué? Seuls les Égyptiens avaient une bonne raison de le faire quand ils ont découvert ce qu'il était en réalité. » Marwan aurait donc payé de sa vie sa trahison envers l'Égypte. Côté égyptien, la thèse officielle est énoncée par le président Moubarak lors des funérailles quasi nationales de Marwan au Caire. Marwan est un héros national, un vrai patriote égyptien qui, en 1973, a réussi à tromper Israël. Une thèse reprise fidèlement par le journaliste égyptien Abdallah Omouda dans le documentaire « L'espion tombé du ciel ». Ashraf Marwan, I believe that he served Egypt Ashraf Marwan, je crois qu'il a très bien servi l'Égypte. Il le fit sous les instructions de Sadat, pas de son propre chef. Et il a été préparé à jouer un jeu dangereux. Sadat voulait un agent convaincant pour abreuver Israël d'informations. Ashraf Marwan était le meilleur acteur pour jouer ce rôle. Ils ont très bien étudié la mentalité des Israéliens pour créer une image qui les duperait. Ashraf Marwan aurait donc été un espion égyptien qui, à l'instigation de son pays, aurait mené une incroyable opération de dissimulation inspirée de la Maskirovka, une technique du KGB. Il aurait fourni pendant des années des renseignements vrais à l'ennemi dans le but de l'endormir avant de procéder en 1973 à de fausses alertes et à n'avertir Israël de la vraie attaque que trop tard et à la mauvaise heure. Pour Gamal Marwan, le fils d'Ashraf, il n'y a aucun doute, son père a été assassiné. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé, mais je sais qu'il a été assassiné. Mon père était un patriote. Il m'avait dit, « Tu sais, je suis un soldat. » Le travail de mon père avait pour but de duper les Israéliens, de telle sorte que l'Égypte gagne la guerre. Alors, qui dit la vérité? Les Égyptiens, tout comme les Israéliens, ont peut-être intérêt à mentir plutôt que de reconnaître qu'ils ont été floués par un agent ennemi. Des proches de Marwan ont affirmé qu'avant sa mort, il était en train d'écrire un livre où il comptait faire lui-même la vérité sur sa carrière d'espion. Mais lorsque la police anglaise a fouillé son appartement, aucun manuscrit ni enregistrement n'a été retrouvé. L'ancien espion s'apprêtait peut-être à révéler des secrets embarrassants. Mais embarrassant pour qui? Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter.